c'est carré. Tout bas, mais tout bas. Ça rate pas tout bas. Hein, check. Ça y est, j'en ai marre des études et des cahiers. Sauf que dans la vie, on m'a dit que plus tard fallait mailler. Qu'il y avait pas que des paillettes, plutôt des gens pas nets sur tout le coup de la planète. Et qu'un jour va bien falloir payer un loyer. J't'avoue que je sais pas trop vers où mon avenir tourne. Et j'hésite, sachant que de toutes les choses, tu ne peux faire le tour. J'aimerais parcourir le monde et une chose facile à dire. J'aimerais écrire aussi finement que ça en devienne fragile à lire. En fait, on évolue avec le temps et c'est voulu. Même si les problèmes résolus font encore résonnant. J'ai révoqué le fait d'être raisonnable. J'aime pas les banalités, ni les faits ceci, fait cela et toutes ces larmes. L'idée. En fait, faudrait que j'apprenne à me ranger dans les rangs. Me taire pas, déranger les grands. J'essaye d'arranger les gens et d'arriver dans les temps. Le son est d'arrêt. J'ai lancé des paragraphes. Tu planes, tu pars à l'ouest dans un monde parallèle. C'est mon texte, je l'ai pas raté. Au pire, faut pas râler. Un jour, j'arrêterai de me pavaner. Mais pour l'instant, je suis pas valable. Et si je suis ici, c'est bien que je suis pas là-bas. Viens pas me gratter, je suis pas lavé. Je te défonce pas, je suis pas lassé. C'est K.O.R. Pour l'instant, je me prélassais. Ça y est, je me réveille. Allez hop, j'écris, je file à sec. Je ne vois pas, je demandais même. Je prie la fille impec. Et pourtant, la liste est belle. Là, en prendre un risque bête. J'aurais voulu passer par une vie de luxe palpable. Mais j'ai traversé ma vie armée d'un gilet pare-balles. Donc ne parle pas si tu connais pas le bal. Parce que ton cœur palpite quand j'rappe plutôt pas mal. Lunatique, j'ai pas le temps pour les regrets. La vie m'a mis des œillères, m'a dit fixer le progrès. J'vise la lune à risque, j'ai pas le temps de penser à retomber. C'est peut-être sous les décombres qu'on me retrouvera sans vie. Mais taisez-vous et oui, laissez-vous semer ces doux secrets qui font que la vie sécrète. C'est doux de savoir si vous saviez à quel point vous seriez soulagé d'écraser ses racines. Raciste ou racaille, même haine, ça me bassine. C'est easy de faire du rap de Tessie, de dire de la merde et de paraître pour un bandit. Mais pas de brandir, le point est qu'on sait de grandir. D'arrêter de se perdre pour des centimes, se repentir. Mais bon MC, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Je sais ce qu'il faudrait que t'esquives la tease et les custy. Mais c'est pas possible, t'es pas trop docile. Les nerfs comprimés à vif, tu cherches la grosse île. Tu veux des gros sous, t'en as marre de cet état passif. D'humeur corrosif, tu voudrais placer du C4 au chemin.